d'Adam. Lui du pavé Christ uni, du don de Dieu par grâce, auquel donné du don du Père, lui la paix donnée par Christ. Sa gloire, Dieu amène sa parole, Christ, dans l'esprit du Christ.